Et mon invité aujourd'hui est Annick Lemoine, commissaire de l'exposition Les Bas-fonds du baroque, la Rome du vice et de la misère, c'est au Petit Palais. Et là, on a affaire à des héritiers de Caravage. Oui, effectivement, l'exposition en fait commence avec la fuite de Caravage de Rome en 1606 et on va présenter ce qui se passe après. Et ce qui se passe après, mais nourri ou bien marqué par l'âme, l'esprit du Caravage, de ce qu'il a apporté à Rome et aussi de ce qu'il a, la liberté, la transgression, la provocation qu'il a pu proposer en quelque sorte. Ces artistes que nous présentons sont pour certains ce qu'on appelle des caravagais, c'est-à-dire des artistes qui vont être reprendre un peu la façon de peindre du Caravage, mais aussi ses sujets, avec le goût du d'après-nature. On les appelait les naturalistes à l'époque, ce qui veut dire les artistes qui s'inspirent de la nature, du d'après-nature. Mais l'idée d'exposition, c'était justement de montrer que ce n'est pas uniquement le fait d'un courant artistique. Caravage est le point de départ, mais finalement, une communauté internationale d'artistes s'en inspire et se nourrissent de cet imaginaire des bas-fonds, de ces dérives, de la transgression, de l'excès, de la provocation, avec chacun une écriture différente, une façon de peindre différente. Donc on aura les peintes caravagesques, grand format, modèle vivant, jeu sur la lumière et le clair-obscur, mais aussi des paysages montrant des vues dont les sujets sont aussi la lumière de Rome, des vues sublimes de Rome. Mais quand on y regarde de plus près, et là on fait appel à la leçon de Daniel Arras, on n'y voit rien au départ, on regarde de près comme une très, très, très belle vue de Rome de Claude Lorrain, connu pour ses paysages idéalisants, classiques. On découvre dans un premier temps la vue de Rome, ses monuments, la Trinité des Monts, le palais du peuple Quirinal et au premier plan, dans la pénombre, lorsqu'on prend le temps de regarder les détails, est manifestement peint une scène de prostitution avec le client, la maquerelle et les prostituées. Et une fois que l'on découvre ce détail, notre regard est totalement chamboulé. On va percevoir ce paysage d'une manière radicalement différente. Et l'idée, c'était de montrer que partant de Caravage, finalement, et de l'évocation de cette Rome des bas-fonds, elle peut se poursuivre et se présenter et se peindre et s'écrire de manière radicalement différente. Parfois de manière manifeste, on va peindre prostituées, escrocs, jeux, on va peindre l'interdit en représentant des scènes de sorcières, de sorcellerie. Hein, il faut savoir qu'on est à Rome au XVIIe siècle, c'est le moment de l'Inquisition, c'est le moment où on condamne et on persécute les sorcières, et au même moment, les plus grands artistes de l'époque vont peindre des scènes de sorcellerie, et ce sont des scènes qui sont commanditées par les grands de l'époque, cardinaux, aristocrates, marquis. C'est ça qui est d'ailleurs très frappant. Mais parlons justement de ces peintres qu'on peut voir, qui représentent les bas-fonds du baroque et qui venaient de partout, de l'intérieur de l'Italie, de France, un peu partout d'Europe en fait. En effet, l'exposition elle est nouvelle pour différentes raisons. C'est la première fois qu'on révèle cet autre visage de Rome, hein, ce visage obscur, interlope, transgressif. Elle est nouvelle aussi parce qu'elle montre que c'est le fait d'une communauté artistique internationale. Et c'est pour ça qu'on débute l'exposition par un plan de Rome, où on a montré que des artistes venus de toute l'Europe, des Français, des Espagnols, des Hollandais, des Flamands, des Italiens, des Lorrains, des Allemands, habitent tous au même endroit, au pied de la Villa Médicis. Ils partagent souvent les appartements, ils vont se retrouver dans les mêmes tavernes. Plutôt, oui. Voilà, on le montre sur le plan de Rome. Ils partagent les mêmes modèles qui sont souvent les courtisanes. Hein, on le sait pour Caravage, mais on le sait pour tous les autres artistes aussi. Ils sont très souvent arrêtés, objets de procès, et sont témoins les uns les autres pour s'entraider. Et s'ils viennent à Rome, c'est parce que c'est Rome, c'est la capitale de l'art, ou parce qu'ils veulent rencontrer le Caravage ou s'initier à la technique du Caravage? C'est un peu le tout. En fait, on vient à Rome parce que à Rome, c'est vraiment la capitale des arts, c'est le lieu où il faut être, hein, the place to be, pour diverses raisons. D'abord, c'est aussi la ville de l'Antiquité, donc on vient copier, étudier les chefs-d'œuvre de l'Antiquité. Mais on vient aussi se nourrir et découvrir les grands chefs-d'œuvre de la Renaissance, Michel-Ange et Raphaël, et l'avant-garde. Et l'avant-garde, c'est qui ? C'est Caravage à ce moment-là, ou c'est les Carraches. Mais Rome, c'est aussi un lieu où on va faire fortune. Des églises et des palais se construisent de toutes parts, ils ont besoin de décors et c'est l'élite de l'époque qui se trouve à Rome, qui a de l'argent, qui va donc commander des grands décors à ces artistes-là. Et à Rome, nos artistes que nous montrons dans l'exposition vont à la fois peindre des retables pour Saint-Pierre et peindre une scène de prostitution ou une diseuse de bonne aventure. L'exemple de Simon Vouet, peintre pensionné du roi de France, est très éloquent puisqu'il peint pour Saint-Pierre et au même moment il va aussi peindre un travesti, représenter l'insulte dans un cadrage, enfin avec une peinture caravagesque. On a aussi voulu montrer justement ce mélange d'influences. On se nourrit de Caravage, mais on apporte sa propre culture nordique, par exemple. Et ces artistes internationaux, et notamment ceux venus du Nord, mais un Nord très large, puisque ça comprend la France, les Pays-Bas, la Hollande ou l'Allemagne, vont se créer une association libre d'artistes vers 1620. Une association qui se réunit dans les tavernes, qui n'a pas de chef, qui s'appelle la Bandvögels, les oiseaux de la bande, et qui surtout choisissent Bacchus comme figure tutélaire. Mais c'est Bacchus, dieu de la création artistique, au travers de l'ivresse. C'est aussi le dieu de la transgression, de l'excès, de la liberté, de la fertilité. Et on adopte les rites orgiaques. Chaque nouveau membre est admis dans une taverne de Rome avec une cérémonie où on se joue à représenter un tableau vivant évoquant Bacchus. On va le baptiser, mais c'est évidemment un baptême sacrilège puisque c'est au vin. On va lui donner un surnom révélateur. Nicolas Régnier, un des grands peintres caravagès, va être surnommé l'homme libre. Valentin de Boulogne, autre grand peintre caravagès, c'est l'amoureux. Ou bien Peter van Leer, ce grand peintre hollandais, le bamboche. Et on termine la cérémonie par un banquet orgiaque toute la nuit. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces peintres vont se peindre eux-mêmes, vont jouer sur une sorte de mise en abîme truculente, puisqu'ils peignent et se dessinent comme les protagonistes des bas-fonds de Rome et en illustrant aussi leur propre rite bachique. Il y a la Rome du vice, mais aussi de la misère, par exemple. Cette toile d'un mendiant. Effectivement, oui, c'est nouveau dans ce format-là et sous cette formule-là. Vous évoquez ce magnifique tableau de Giuseppe de Ribera, un des plus grands caravagesques espagnols cette fois-ci, actif à Rome, qui peint un magnifique portrait de mendiant qui joue à la fois sur l'empathie dans un grand format avec un travail technique extraordinaire. Il va savoir traduire à la fois la misère du vieillard, son regard perdu, son intériorité, accorder tout autant d'importance à la représentation des haillons dans un tableau magnifique. Un des ongles, tout, c'est vraiment magnifique. Il va représenter, et ça c'est peut-être la leçon aussi de Caravage, le détail des ongles sales, toutes les rides de la peau du visage. Et autre nouveauté au fil rouge de l'exposition, c'est la façon dont le spectateur est toujours impliqué, manipulé, recherché. Ici, lorsqu'on regarde bien le tableau, on se rend compte qu'en fait, discrètement, le mendiant nous fait l'aumône et nous tend son chapeau pour que nous allions mettre une petite pièce dans son chapeau. Et ce chef-d'œuvre, c'est vraiment un chef-d'œuvre de Ribera. Il le peint avec un cadrage très serré, sans aucun décor, exactement de la même façon dont il va peindre une série d'apôtres, par exemple. Donc, il va accorder et peindre exactement de la même façon un mendiant ou un apôtre. Et ce tableau, le mendiant de la Galleria Borghese, se trouve aujourd'hui à la Galleria Borghese à Rome. Pourquoi ? Parce qu'il a été immédiatement acheté par Scipion Borghese, qui était le neveu du pape Paul III, le second homme plus important de Rome. Il s'est empressé d'accrocher ce tableau dans sa nouvelle villa, la Villa Borghese, aux côtés des sculptures du Bernin. Alors Annick Lemoine, il y a juste une question, parce que ces tableaux qui représentent une Rome décadente, une Rome du vice, une Rome de la nuit, de tout ce qui est caché, ce sont pas des travaux de peintres qui voulaient témoigner de l'époque ou bien qui voulaient être transgressifs. Ce sont des commandes. Et c'est ça que je n'arrive pas à imaginer en pleine Inquisition, que des gens bien installés commandent ce genre de scène, de tableau. Alors en fait, on ne peut pas toujours répondre de manière très précise à toutes les questions. On sait que certains tableaux ont été commandés et par les plus grands. D'autres, on n'en a pas tous les éléments. Je pense que certains étaient peints et achetés dans un deuxième temps et d'autres étaient commandités, effectivement. Mais pas d'une manière cachée ou souterraine? Absolument pas, mais ça c'est le propre de Rome, de Rome, capitale de la chrétienté. On le sait depuis toujours, hein. Montaigne déjà le racontait. C'est à la fois le lieu où l'Église va chanter son triomphe et c'est aussi le lieu où on peut recenser le nombre le plus important de prostituées. Elles ont leur propre cimetière, hein, qui se trouve au-delà de la place du peuple. Et nos artistes, effectivement, vont, et les plus grands, travailler pour Saint-Pierre, pour le décor de Saint-Pierre, et peindre des scènes de diseuses de Bonaventure pour les proches du pape. Et Caravage va être protégé par le marquis de Giustiniani, au même titre que d'autres artistes nordiques, nos membres de la Bentvogels, qui, par ailleurs, vont boire toute la nuit dans les tavernes de Rome et susciter reproches par leurs rivaux. On a vu, par exemple, qu'un tableau extrêmement surprenant représentant une Vénus masculine, avec un caractère érotique extrêmement évident, très très grand format, est l'œuvre, une sorte d'unicône, d'un artiste émilien, Lanfranco, qui est surtout connu pour avoir peint tous ces ciels baroques dans les églises de Rome et de Naples, c'est-à-dire les décors plafonnants des coupoles. Alors, cette exposition qui dure jusqu'au 24 mai, Les bas-fonds du baroque, la Rome du vice et de la misère, avec les héritiers du Caravage, on peut le dire, ou une certaine idée du Caravage qui est là, qui est prégnante. Oui, en fait, je pense que ces artistes-là ont vu les œuvres de Caravage. Certains l'ont rencontré, d'autres non. Certains arrivent après 1606, mais tous ont été frappés. Et il y a aussi, je pense, une sorte de volonté de rivalité, aller au-delà du Caravage, s'en inspirer, et certains, par leur sujet, vont vraiment le défier, en quelque sorte. Et avant d'arriver à Paris, cette exposition a d'abord subjugué les Romains, qui n'en revenaient pas, d'ailleurs, de découvrir leur ville, leur Rome, sous cet aspect-là. Oui, vous avez tout à fait raison. On a été très surpris. J'ai pensé cette exposition vraiment pour Rome. J'étais en poste à l'époque directrice du département d'histoire de l'art. Et j'ai voulu faire une exposition consacrée à la Villa Médicis. À la Villa Médicis, et donc consacrer une exposition sur Rome. Mais on révélait aux Romains même un autre visage de Rome et un visage auquel ils ne s'attendaient absolument pas. Et ça a été, je crois, une des clés du succès de l'exposition, c'est que de les surprendre et de leur montrer une autre Rome. Et du coup, par bouche à oreille, on a eu un vrai public romain qui revenait à la Villa Médicis, qui était peut-être plus habitué à y être aussi fréquemment, et ça a intéressé à la fois les spécialistes, les amateurs d'art, mais aussi les adolescents. Je racontais une anecdote d'une scène assez croustillante d'un jeune adolescent au téléphone, au téléphonino, comme très souvent, et qui racontait sans doute un de ses copains avec un romain extrêmement fort, un argot, l'équivalent d'argot parisien, en disant, mais tu peux pas t'imaginer, ça incroyable, mais c'est pire que nous, c'est dingue. Donc en fait, effectivement, ils étaient surpris, mais je crois, et amusés de découvrir cet autre volet de la Rome du XVIIe siècle, du Bernin et de Saint-Pierre. Si vous êtes de passage à Paris, Les bas-fonds du baroque, c'est au Petit Palais, et c'est jusqu'au 24 mai. Merci Annick Lemoine. Je vous en prie. C'était Un autre jour est possible, réalisé par Thomas Duterre, préparé avec Henri Leblanc. On se retrouve demain pour la suite de notre série consacrée au Caravage. Dans un instant, les premières informations. Et puis tout de suite après, Marc Vancher, bonne matinée sur France Culture.